Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International à Belle Église Kodesh. Cet enseignement donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Lady Reverend Grace Irene. Enseigne-moi. Alléluia. Amen. Shall we pray? Alléluia. Fermez les yeux et parlez à Dieu. Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je suis un vase. Je veux que tu m'utilises, Seigneur. Je veux faire quelque chose dans ton royaume. Oh Seigneur, je veux être utile dans ta maison. Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Mais je veux être un instrument utile à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour le privilège d'être appelé par ton nom. Merci pour le privilège de servir dans ta maison. Seigneur, ce que tu veux, je veux. Ce que tu aimes, j'aime. Seigneur, je veux te faire plaisir. Je veux te servir. Je veux être utile à toi. Je veux être utile, Seigneur. Ma vie n'est pas à moi. Elle t'appartient. Ma vie n'est pas à moi. Je t'appartiens. Je me donne. Est-ce que vous voulez vous donner à Dieu ce soir? À toi. Oui. Ma vie n'est pas à moi. Ma vie n'est pas à moi. Oh, je t'appartiens, je me donne, je me donne, je me donne à toi. Oh, ma vie n'est pas à moi. Oh, je t'appartiens, je me donne. Oh. Alléluia, je me donne à toi, Seigneur, nous voici, nous ne sommes rien, mais nous offrons à toi ce soir. Sers-toi de nous, Seigneur, pour faire quelque chose dans ton royaume, pour être utile dans ta maison. Nous voulons servir. Si nous voulons être des leaders, ce n'est pas pour nous vanter ou pour exercer notre pouvoir. Mais c'est d'être utile dans ta maison, d'être des serviteurs et des servantes. Sers-toi de nous, Seigneur, que nos vies soient utiles entre tes mains. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Et asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Je suis contente de vous voir tous. Amen. Pendant ce culte de leader, ça c'est un culte pour les leaders. Amen. Donc pendant ce culte, nous ne dormons pas. Nous ne mâchons pas le chewing-gum. Nous ne bavardons pas. Ici, nous sommes sérieux. Amen. Dis à ton voisin, ici, c'est pas pour les enfants. Alléluia. Donc, j'espère que tout le monde ici a le désir d'être un serviteur et une servante dans la maison de Dieu. Amen. Tout le monde a le désir d'être utile dans la maison de Dieu. Ici, on n'est pas là pour faire passer le temps. On n'a rien à faire à la maison, donc on veut venir. C'est pour ceux qui sont sérieux, qui veulent être utile. Amen. Ça veut dire que vous serez disponible et vous serez disposé. Amen. À servir. Amen. Tout ce qu'on va vous demander de faire, vous allez le faire. Amen. C'est une période, c'est un service pour la formation des leaders, des bergers. Amen. Des futurs pasteurs. Amen. Hallelujah. Powerful. Donc, j'aimerais féliciter Praise and Worship. Le zèle avec lequel ils ont embarqué. Je crois que 2014 sera une année vraiment. Amen. Un nouveau star est né. Et une nouvelle staresse est née. Alléluia. Amen. Donc, félicitations. On a commencé. Et la Bible dit qu'il ne faut pas mépriser les petits commencements, n'est-ce pas? Alléluia. Et aussi la chorale. Bravo, bravo. Amen. Ça fait 2 heures, n'est-ce pas? On a formé la chorale il y a seulement 2 heures. N'est-ce pas? Oui ou non? It's true. Même praise and worship. À peine 2 heures. Et je crois que Dieu a été bon, fidèle. Et au fur et à mesure, vous allez voir les nouveaux stars qui vont naître. Amen. Donc, merci d'être disponible. Merci d'être toujours au service. Donc, si vous voulez aussi être à la chorale, praise and worship, vous me voyez après. La seule condition, c'est que vous n'appartenez pas à la chorale, le first service, au Shabbat, ni à Barak. OK? Ni au praise and worship, the first and second service. Ça, ce sont des nouveaux stars. Amen. Clap for the stars, clap for the stars. Amen. OK, donc nous sommes en train d'apprendre comment devenir des meilleurs leaders, des meilleurs bergers, c'est-à-dire des futurs pasteurs. Je sais que dès que je commence à parler de pasteurs, beaucoup ne vont plus venir. Beaucoup vont fuir. Parce que cette idée d'être pasteur fait peur. Mais le mot pasteur, c'est un simple berger. Amen. C'est un berger. Donc, si vous êtes un leader de bassin et vous avez 2 ou 3 personnes dans votre cellule, vous êtes déjà pasteur. C'est tout. N'est-ce pas? Donc, n'ayez pas peur du titre. C'est un mot. C'est juste un mot. Amen. Le travail, vous avez déjà commencé. Amen. Vous avez déjà commencé le travail d'un pasteur. Combien de personnes ici ne dirigent pas une cellule? Let me see your hand. Hey, you are a lot too. Ok. D'accord. C'est pas grave. Bientôt, très bientôt. Amen. Si vous continuez à venir, c'est-à-dire, ça veut dire que vous avez le désir. Amen. Il y a quelque chose en vous qui est attiré, parce que beaucoup sont rentrés. Le deuxième culte était rempli. Les chaises étaient remplies jusqu'à la dernière porte. Mais beaucoup sont partis. Mais vous êtes restés. Vous n'êtes pas restés seulement pour me voir. Vous êtes restés parce que vous désirez recevoir quelque chose. Amen. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas là parce que quelqu'un va vous appeler. Ou quelqu'un va demander pourquoi vous n'êtes pas là. Mais sincèrement, vous avez le désir de grandir. Vous avez le désir d'augmenter votre foi et de connaître plus. Amen. Et je sais que Dieu va honorer ce désir. Amen. Pour commencer, je vais juste vous parler de l'idée que Dieu a du berger, d'un leader dans sa maison. Amen. Durant cette année 2014 et les années à venir, nous serons des bergers à part. Des bergers qui vont travailler sincèrement, qui seront honnêtes, qui seront intègres, qui seront des bergers, des exemples. Amen. Et le meilleur verset ou les meilleurs versets que j'ai trouvés dans la parole de Dieu se trouvent en 1 Timothée chapitre 1. Et j'ai aussi découvert la Bible du semeur, qui est écrit dans un langage simple. Alléluia. Donc, vous allez suivre votre 8 secondes compliquées là-haut. Et moi, je vais lire. Amen. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1. Amen. 8 secondes dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Quand on parle d'évêque, tout le monde dit, ah moi je ne suis pas évêque. Je suis loin d'être évêque. Mais le mot là, c'est le même mot, amen, qu'on utilise pour pasteur. L'évêque, c'est un, il dirige plusieurs églises. C'est tout. Mais son travail de base, c'est la même chose que celui qui gère deux ou trois personnes. Amen. Par exemple, ici, nous avons des pasteurs leaders. Nous avons aussi les zonal shepherds. C'est la même chose. C'est juste le nombre de personnes qu'il dirige qui augmente. Amen. Ce que je fais, c'est exactement ce que vous faites dans vos cellules. Oui ou non? That's it. Amen. La Bible du Seigneur dit, verset 1, on dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Amen. Un évêque, c'est un dirigeant dans l'Église. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui dirige. Et il dirige les autres. Donc, si tu es un berger de cellule, un responsable de cellule, tu es un berger. Et tu diriges ton cellule, ou ta cellule. Donc, tu es dirigeant. Demande à ton voisin, tu savais que tu étais dirigeant? Yeah. La Bible dit que si tu aspires, si c'est une aspiration ou c'est un désir, c'est un objectif, un but que tu as pour être quelqu'un qui dirige dans l'église, dans la maison de Dieu, c'est une bonne chose que tu cherches. Amen. Ce n'est pas un fardeau. C'est une bonne chose, une belle tâche. Mais c'est un travail, c'est une tâche. Il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas seulement pour s'asseoir et enjoyer du titre. Amen. Si quelqu'un aspire, ou celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église, désire une belle chose, cette parole est certaine. Verset 2. Il faut toutefois, c'est bon d'avoir le désir, c'est bien de vouloir, mais quand même, toutefois veut dire tout de même, n'est-ce pas? Quand même, alléluia. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable. Il est beau d'avoir le désir, mais il y a certaines qualités quand même que vous devez avoir. Le désir en lui-même ne suffit pas. C'est le départ. C'est une bonne chose. Donc, vous avez tous pris la bonne décision. Vous avez commencé bien. Mais toutefois, on va demander certaines choses de vous. Amen. Alléluia. On va attendre à voir certaines choses, certains signes de vous. Amen. C'est important, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le leader, les dirigeants de nos cellules soient des gens qui vont créer des problèmes pour nous. La raison pour laquelle vous êtes là, c'est parce que nous, les pasteurs, nous ne pouvons pas être partout à la fois. C'est impossible. Amen. Et nous avons besoin des travailleurs. Quand le beau-père de Moïse a vu qu'il était fatigué, il a dit, ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais n'est pas bon. Appelle 70 personnes, des anciens, et prie pour eux. Je veux mettre le même esprit qui est sur toi, sur eux, afin qu'ils puissent t'aider, te soutenir. Amen. Pourquoi le même esprit? Pourquoi c'était nécessaire de prier pour eux? Pourquoi c'était nécessaire pour que Dieu mette le même esprit sur eux? Parce que si tout le monde, 70 personnes, opèrent dans leur propre, avec leur propre esprit, ce serait la confusion. Ce serait le désordre. Amen. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas une bonne idée. Tu peux avoir une bonne idée. Une très bonne idée même. Peut-être même une meilleure idée. Mais ça, ce n'est pas l'idée que cette église a. Une fois que vous êtes sous l'autorité ou sous la couverture de quelqu'un, vous suivez. Je ne peux pas venir et dire, ah, mais aux États-Unis, j'ai le droit à... Je ne suis pas aux États-Unis. Je ne peux pas aller vers le président pour dire, ah, les Américains, ils ont droit à... Ils ont droit à quoi? Et en quoi ça me regarde? Ça ne me regarde pas. Amen. Vous ne pouvez pas venir dire, ah, au Togo, on ne fait pas ça. Au Togo, si vous êtes étranger, vous recevez, vous touchez à un montant tous les 3 mois. Ici, on ne fait pas ça. Et on ne connaît pas ça. Amen. Donc, si vous êtes sous l'autorité de quelqu'un, vous suivez. Une fois que vous rentrez chez vous, vous pouvez faire ce que les Gabonais font. Do you understand what I'm saying? Yeah. Donc, quand nous sommes dans cette église, nous sommes ici à Lighthouse, si que ce soit pour 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans ou pour la vie, vous suivez. Vous suivez. Et la raison pour laquelle vous devez suivre, c'est pour éviter le désordre. Amen. Are you there? Voilà pourquoi on vous envoie le matériel. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas oint. Vous êtes oint. On reconnaît l'onction sur votre vie. Et vous êtes très intelligent. Vous êtes capable de chercher dans la parole pour tes propres révélations. On reconnaît. Et on vous salue. Mais une fois que vous êtes sous l'autorité et votre cellule est dans le nom de Lighthouse, mon frère, ma sœur, vous devez être soumis à l'autorité. Et vous faites ce qu'on vous demande de faire. C'est pour qu'il y ait de l'ordre. La Bible dit que Dieu n'est pas l'auteur de confusion. Amen. Et si vous faites ce que vous voulez, il fait ce qu'il veut, elle fait ce qu'elle veut, lui, il fait ce qu'il veut, ce serait la confusion. Amen. Donc, pendant ces cours, ou ces cultes, nous allons apprendre comment nous comporter. Et Dieu a des standards. Ce sont les standards que nous allons copier. Amen. Ce sont les standards que nous allons garder. C'est beau de désirer. C'est bien de vouloir être. D'être disponible. D'ouvrir votre maison pour qu'on ait des cellules et tout le reste. It's very nice. On a besoin de vous. Et on vous félicite. Mais on attend aussi quelque chose de vous. Amen. La première chose, la Bible dit qu'il faut que cet homme ou cette femme soit irréprochable. Irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire? Être sans reproche. Reproche, c'est quoi? Une accusation, défaut, critique. Ok? Avoir une défaillance, mauvaise image, what? Mauvaise réputation, irréprochable. Ça veut dire que personne ne doit avoir quoi que ce soit à dire par rapport à ta personnalité, ton caractère. Sans reproche. L'expression, je n'ai rien à lui reprocher. Ça veut dire qu'il n'a rien fait de mal. N'est-ce pas? Il n'a rien fait de mal. Donc, un homme qui aspire à être un leader dans la maison de Dieu, dans l'église, ne doit pas avoir des choses à être reprochées. Amen. Wow. Ça, c'est vraiment demander beaucoup, demander. Être sans reproche. Ça veut dire, Arnaud, je ne dois pas te voir, te regarder et avoir des choses à te reprocher. Hey! Yeah. Irréprochable. Aspirer à être un leader dans la maison de Dieu, mais aspirer aussi à atteindre le niveau que Dieu a pour vous. Personne n'est arrivé. C'est une aspiration, c'est un désir, c'est un souhait, c'est un rêve. Amen. Ne dites que oh, j'ai ouvert ma maison, Bastel peut venir, 2-3 personnes, ok, j'enseigne et puis je fais tout ce que je veux, n'importe quoi. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas marcher. Nous, on va accepter, mais Dieu ne va pas accepter. Il faut que tu sois irréprochable. Et c'est pas une chose qui va arriver d'un jour à l'autre. Mais il faut que ça fasse partie de votre aspiration, de votre désir. Il ne faut pas être satisfait de votre niveau de spiritualité. Il ne faut pas être satisfait de votre caractère. Allez, dis pas ça, c'est mon tempérament. Oh, Lady Pasteur, je suis comme ça. Tout le monde sait que je suis comme ça. Oh, Lady Pasteur, dans ma famille, on ne parle pas beaucoup. Oh, Lady Pasteur, dans ma famille, on parle beaucoup. Et dans ma famille, on parle et on dit et puis c'est fini. Ça, c'est pas le niveau que nous devons atteindre, le niveau de votre famille. Amen. Si tu aspires à être un dirigeant, pas un n'importe qui, pas un membre seulement, mais un dirigeant, un leader, quelqu'un qui dirige, vous êtes l'exemple. Être dirigeant, c'est un exemple. Si vous aspirez à être un exemple, qu'est-ce que les autres vont copier? Donc, dis à toi-même que cette chose que je veux pour ma vie, c'est important. Et ce n'est pas aussi simple. Amen. Ce n'est pas pour qu'on nous appelle berger, berger. Oh chef, oh chef, oh chef, oh chef. Non. Irréprochable. Irréprochable. On ne doit pas te pointer du doigt en disant, oh, Yamako. On le voit maintenant, il fait quoi? Il fait un wesh. Irréprochable. Il n'y a rien qu'on peut dire à ton sujet. Tu n'as jamais volé. Tu n'as pas volé l'argent de quelqu'un. Tu n'as pas escroqué quelqu'un. Tu n'as pas trompé quelqu'un. Tu n'as pas pris la femme de quelqu'un. Le bulot de quelqu'un. Irréprochable. Amen. Wow. Yeah. Today be today. Un homme irréprochable. Mari fidèle à sa femme. What does your say? Mari d'une seule femme. Un mari fidèle à sa femme. Si tu es ici, tu es un homme et tu n'as pas le désir de te marier ou tu n'as pas le projet de te marier et de te marier vite, vous êtes en danger. Amen. Il est important pour vous de vous marier vite. De vous marier tôt. Amen. Parce que vous êtes des êtres humains. Vous avez le sang qui coule dans les veines. C'est pas le pure water. Même pas le ketchup. C'est le sang. Et le sang est chaud. Lorsque vous êtes jeune. Amen. Vous avez le sang chaud. Pas le sang froid. Amen. Et vous devez avoir le désir de vous marier tôt. Vous êtes ici, vous avez 25 ans, 27 ans, et vous dites, ah, je vais me marier dans 3 ans. Si vous avez 30 ans et vous n'êtes pas encore marié, vous êtes en danger. Je parle des hommes. Amen. Vous êtes en danger. Amen. Mari d'une seule femme, parce que je trouve chez les hommes, le plus long que vous attendez, le plus difficile ça devient de vous marier. Parce que maintenant vous choisissez, vous dites, ah, moi je veux une femme comme ça, moi je veux une femme comme ça, moi je veux une... Et puis à chaque fois quand tu demandes à quelqu'un qui a un certain âge, tu veux te marier avec qui? Elle doit avoir quel âge? Oh non, les 25, 26. Je dis, hé, vieux comme tu es, tu veux une jeune fille. Faut pas chercher, si tu as plus de 35 ans, 30 ans comme ça, là, pas chercher un enfant de 25 ans. Amen. Vous devez vous marier. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est mieux. C'est mieux de se marier que de brûler. Amen. Et vous-même, vous savez que vous êtes presque incendie. C'est presque le sapeur, les sapeurs-pompiers doivent être à ta porte. Parce que d'ici très peu, on va voir les flammes sortir de chez toi. Amen. Et quand je dis qu'il faut avoir le désir de penser au mariage, ce n'est pas d'aller te marier demain ou dans quelques mois. Non. Je parle d'avoir ça comme objectif. Are you listening to me? Vous ne pouvez pas dire que vous ne pensez pas. Oh, les femmes, moi, je ne pense pas au mariage maintenant. Vous êtes en danger. Il faut penser au mariage, même si vous n'êtes pas prêt. Même si vous n'allez pas vous marier cette année ou l'année prochaine. Amen. Ça montre que tu as un certain objectif. Amen. Hallelujah. It is important for you to marry. Sauf si tu es appelé à être un... Eunuque, how do you say? Hein? Eunuque. Ça, c'est un don. Ça, c'est un gift. Ça, c'est... Amen. Mais marié, jeune, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de tentations pour les jeunes hommes. La Bible dit que vous devez être marié à une seule femme. Bah, coupé. Une seule femme. Chut, there's a lot of noise. Et Sommer dit fidèle à sa femme. Amen. La fidélité dans le mariage est primordiale. Amen. Amen. C'est pourquoi quand vous allez vous marier, soyez sûr de la personne que vous allez épouser. Amen. Connaissez la personne d'abord. Faut pas suivre l'extérieur. La physique. Les cheveux. La plupart du temps, les cheveux ne sont pas... Faut pas suivre les cheveux. Faut pas suivre le teint. Parce que le teint, On peut changer. Amen. Faut pas suivre la structure. Parce que ça change. Avec les années, avec les enfants, ça change. Oui, parce que vous devez rester fidèle à cette personne après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, après 50 ans, si Dieu vous donne la vie, jusqu'à la mort. Donc si vous suivez la structure, quand elle commence à prendre un coup, quand elle commence à prendre du poids, est-ce que vous allez la laisser? Voilà, why are you so excited? Voilà pourquoi il est important de connaître la personne. Amen. Récemment, je disais à mon mari, bientôt, les enfants vont quitter. Tosin va partir et nous serons seuls. On va parler de quoi, toi et moi? Il n'était pas content. Il n'était pas content quand je lui ai posé la question. Il dit, on va parler de quoi? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Si vous n'êtes pas amis avec votre épouse, après un temps, vous allez vous regarder comme ça. Il n'y aura rien à dire. Il est très important d'épouser la bonne personne. Amen. Parce que pour nous, c'est pour la vie. Amen. C'est pour la vie. Amen. Fidèle à sa femme. La fidélité, c'est pas seulement sortir avec une autre femme. Coucher avec une autre femme, commettre l'adultère avec une autre femme. Il y a une chose qu'on appelle une adultère émotionnelle. L'adultère émotionnel. Amen. Je vous explique. Lorsque vous êtes marié, votre partenaire doit remplir plusieurs fonctions. À part la physique, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Nous savons ce que votre partenaire doit faire normalement. À part la physique, il y a d'autres choses que la personne doit donner. Par exemple, juste la communion, juste parler. Communication, l'amitié, une certaine complicité. What does complicité mean? Intimité. Il faut que cette personne soit capable de me satisfaire, pas physiquement, émotionnellement. Quand je suis dans la joie, je dois être capable de partager ça avec la personne. Quand je suis triste, il faut que je partage. Il faut que je me réjouis dans sa présence. Il faut que cette personne soit capable de me faire plaisir. Il faut que je me sens épanouie dans sa présence. Je ne dois pas être tendue. C'est quelqu'un avec qui je peux être moi-même. Amen. Dans tous les sens. Je peux être moi-même. Do you understand what I'm saying? Et si vous êtes mariés, c'est pour vous les mariés là, maintenant vous êtes nombreux. Si vous êtes mariés et vous trouvez satisfaction, et je ne parle pas de physique. Don't get me wrong. I'm not talking about adultery. I'm not talking about fornication. Il y a quelqu'un à part ton épouse, ton époux, qui te fait plaisir au point où tu penses à cette personne, penses à passer du temps avec cette personne juste pour parler. Vous n'avez pas encore commis le péché de la fornication ni l'adultère. Mais le temps que vous devez passer avec votre époux à échanger, à être dans la joie, à être content, vous cherchez à passer ça avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'adultère émotionnel. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Il ne doit y avoir personne à part ton époux, ton épouse, qui peut te satisfaire complètement. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir des amis. Vous pouvez avoir des amis avec qui vous pouvez enjoyer, rire. Mais votre épouse doit être la première personne chez qui tu cours s'il y a une situation, s'il y a un problème, s'il y a une victoire. Amen. Tu reçois une promotion à l'église, ou à l'église, au boulot, et tu appelles cette personne, tu n'appelles pas ta femme. Allez, pasteur, si j'appelle ma femme, elle ne va pas accepter, elle ne va pas dire, elle va dire, hey. Mais c'est la personne que tu as choisie. Il ne faut pas blaguer avec le mariage, oh. I'm telling you. Yeah. C'est la personne en qui tu as le plus confiance. On t'a donné de l'argent, promotion, tu as reçu une augmentation. Tu enlèves l'augmentation et tu vas cacher ça chez quelqu'un. Garde ça pour moi, si je donne ça à mon mari, il ne va pas. C'est bad sign. You like the messaging? Amen. Emotional adultery. Donc la fidélité, c'est pas seulement sortir et sauter dans le lit de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas seulement ça, la fidélité. Amen. Yeah. C'est important. Vous allez vous marier. Ouvrez bien les yeux. Yeah. Viens, mon mari, je connais mon mari, il aime trop dépenser l'argent. Tu n'as pas vu ça quand vous étiez en bilo? Quand il dépensait sur toi, tu ne savais pas qu'il allait continuer. Quand tu mangeais le papaye, le franquise là, tu ne savais pas que ça c'est sa nature de dépenser. Maintenant tu veux construire. Donc tu es obligé de cacher l'argent sous le lit. It's too late. Tu dois être fidèle. Si tu veux être leader dans l'église, dirigeant dans l'église, fidélité. Amen. Are you listening to me? Pas jouer avec le mariage des... Fidèle à une seule femme. Un seul mari. Parce qu'il y a des maintenant là, les femmes aussi. Amen. Yeah. Maintenant les femmes aussi sortent, ont des relations avec deux, trois personnes. Ça c'est dans le monde dans lequel nous vivons. Et si vous êtes comme ça là maintenant, quand vous allez vous marier, vous serez la même chose. Amen. Si vous êtes une femme et vous avez l'habitude de sortir avec plus d'une personne à la fois, vous êtes en danger. En danger de mourir tôt. Tu vas vite mourir. Amen. Mari fidèle à sa femme, maître de lui-même. Maître de lui-même. Ils doivent être sobres, modérés, sobres. Sobres, ça veut dire qu'il est toujours conscient de ce qu'il fait. Il n'est pas pris par les émotions extrêmes. Il s'emporte facilement. Maître de lui-même. Tu es fâché, énervé, mais tu te contrôles. Tu ne peux pas être un dirigeant dans l'église et puis tu casses tous les verres quand tu t'énerves. Tu es fatigué. Tu m'énerves. Et puis tu fais comme ça. Tout ce qui est devant toi là, que ça soit un visage ou que ça soit une verre ou faut que ça parte. Maître de lui-même. Se maîtriser. Se contrôler. Si tu veux être dirigeant dans la maison de Dieu, il faut être capable de se contrôler. Les gens vont t'énerver. Les gens vont t'énerver. Les gens vont te provoquer. T'insulter. Tu veux faire du bien, ils vont prendre ça en mal. Tu vas visiter, juste une simple visite. Et quand tu vas cogner à la porte, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Toi, tu vas de bon cœur pour visiter. Et puis quand la personne te voit venir, tu veux quoi? Oh, je suis venu te visiter. C'est pas convenable pour le moment là. Tu as mal choisi le moment. Je ne suis pas disponible. Oh, je ne peux pas juste entrer. Non, j'ai dit non. En fait, l'église là, moi je ne viens plus. Oh. Why? What have I done? I've come to visit you. C'est parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et tu seras choqué. Ah, mais toi, tu penses que si ce n'était pas l'église, moi et toi, on allait... Mais nos chemins allaient croiser. Regarde-moi ça. Et puis tu es emporté par tes émotions. Non. Tu dis, oh, I'm sorry. Je vais revenir. Non. Calme-toi d'abord. Je suis désolé. J'aurais dû t'appeler avant de venir. Je m'excuse. Toi qui voulais rendre service. Toi qui voulais bénir. Tu dois t'humilier. Pour pouvoir être dirigeant dans la maison de Dieu. Amen. La plupart des problèmes que nous avons dans la maison de Dieu, c'est dû à l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui nous tue dans l'église. Ah, pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi elle m'a parlé comme ça? C'est le problème que nous avons. C'est l'orgueil. Et quand tu es énervé, tu t'emportes. Tu es emporté par tes émotions. Tellement énervé que tu ne parles pas à la personne. Tu ne parles plus à la personne. Ce sont des choses d'enfant. Ce ne sont pas des choses de dirigeant. Il m'a énervé, donc moi je ne peux pas parler parce que moi je ne veux pas de problème. Donc je reste dans mon coin et il n'a qu'à rester dans son coin parce que moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tu es un enfant, tu n'es pas un dirigeant. Amen. Un dirigeant doit être maître de lui-même. Cette même personne doit être capable de dire, Berger, Angela, j'ai un petit problème. Est-ce que tu peux m'aider? Il ne faut pas dire, aujourd'hui c'est moi le berger. Aujourd'hui, tu sais que je suis berger. Va chercher ton aide ailleurs. Non. Ce n'est pas un dirigeant. Ça, ce n'est pas le comportement d'un dirigeant. Tu t'es laissé emporter. Tu dois être capable de dire, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ok. Tu as besoin. Je vais voir ce que je peux faire. Ça, c'est un leader. Un dirigeant. Quelqu'un qui se maîtrise. Tu peux regarder quelqu'un qui t'énerve et puis être gentil, calmement, parler, conseiller la personne. Parfois, on reçoit des gens qui veulent nous voir. Tu as envie de dire à la personne, tu sais quoi, moi-même, je vais verser de l'eau sur toi. Ton problème là, c'est toi qui l'as provoqué. Tu as envie de dire ces choses. Mais tu dois rester calme. Écouter. Faire semblant d'écouter. faire semblant de chercher une solution. Forgive. Yeah. Parfois, c'est tellement difficile de se contrôler, mais tu dois te contrôler. Amen. Yeah. Si tu veux être dirigeant dans la maison de Dieu, il faut que tu te maîtrises. Tu sois maître de toi-même. Amen. Si tu es ici, tu as un problème de colère, il faut parler. Il faut chercher de l'aide. Amen. Parce que tu ne peux pas être un bon dirigeant comme ça. Yeah. Si tu as un problème d'orgueil, quand quelqu'un essaie de te corriger un peu, commence à t'emporter. Tu es sur tes défenses. Dis, non, mais pourquoi tu dis ça? Non, moi je ne peux pas accepter. Moi je ne sais pas, tu commences à... C'est un problème. Tu ne peux pas être un dirigeant. Tu dois être capable de recevoir les coups. Blouse. Tu dois être capable de recevoir la correction. Quand tu as tort, reconnaissez que vous... Tu reconnais que tu as tort. Et même si tu ne reconnais pas, quand quelqu'un te parle, tais-toi et écoute. Parce que la personne peut voir quelque chose que toi, tu ne vois pas. Il y a des gens, quand tu essaies de les corriger, immédiatement, ils sont... Pourquoi tu dis ça? Je ne comprends pas. Non, je ne suis pas d'accord, là. Non, je ne suis pas d'accord. Mais les dix pasteurs, je ne suis pas d'accord parce que je... Est-ce que je peux... Ok, les dix pasteurs, j'ai compris. Mais... Oh, les dix pasteurs, ok, je vois d'où tu veux en venir, mais... Mais... Tu as un problème. Si tu veux être un dirigeant dans la maison de Dieu, il faut contrôler tout ça. Amen. Parce que tu vas faire face à certaines situations, certaines provocations, tu ne peux pas. Amen. Alléluia. Ça doit être une prière de tous les jours. Seigneur, aide-moi à me maîtriser. Alléluia. Amen. Amen. Maître de lui-même, réfléchis. Réfléchis. Quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Il ne dit pas n'importe quoi, n'importe où. Réfléchissez avant de parler, avant d'agir. Parce que trop souvent, nous parlons et après nous regrettons ce que nous disons. Tu ne peux pas être un leader dans la maison de Dieu. Tu es toujours en train de t'excuser. Toujours en train de dire, je suis désolé pour la dernière fois. Oh, je suis désolé, tu sais que je blaguais. Toi et moi, on n'est pas comme ça. Excuse-moi pour la dernière. Toi, tu t'es excusé auprès de tout le monde. Là-bas! What kind of behavior is that? C'est comme la personne qui lave mes cheveux. À chaque fois qu'elle lave, au moins 10 fois, elle va s'excuser. Pourquoi? Il y a l'eau qui entre dans mes yeux. L'eau qui... J'ai dit, ah, mais cette fille-là. Et tu dis, oh, mami, I'm sorry. Après un temps, je refuse de répondre. Fais seulement, si tu veux laver mon visage là. Ah! I'm telling you, tous les samedis, tous les jours où je vais, à part mes cheveux, elle lave mon visage. Elle verse l'eau sur mes habits. Tout. Oh, mami, I'm sorry. Hein. Mami, it's the shower. Oh, mami, it's the shower. Dis, ah, mais c'est quel comportement, ça? What kind of behavior is that? Tu t'excuses partout, tu t'excuses. Pourquoi? Parce que tu t'es emporté, tu t'es laissé aller et après, tu t'es rendu compte que il fallait pas parler comme ça. Il fallait pas dire ça. Je suis désolé. Donc, il ne fallait pas agir comme ça. Je vais remplacer les verres. Ah, il ne fallait pas. Hein. Il ne fallait pas. Il faut plutôt essayer de se contrôler, de réfléchir avant d'agir. Amen. Soyez sobre, modéré. modéré. Amen. Ce sont les qualités de dirigeant dans la maison de Dieu. Ici, ça ne parle pas d'intelligence. Ça ne parle pas de tempérament. Ça ne parle pas de caractère. Ça ne parle pas de don. Oh, le dit parce que moi, naturellement, je suis un bon leader. Naturellement, ça vient facilement. Quand on parle de don, moi je suis leader, je ne suis pas suiveur. Je suis à la tête. Il dit pasteur, le verset là qui parle d'être à la tête, je crois que ça c'est mon verset. Ça vient naturellement. Je sais comment organiser les gens. J'ai cette capacité de donner, rassembler et puis donner direction. Et les gens me suivent facilement. Je sais pas, mais ça m'arrive comme ça. Si vous me donnez une situation, je peux trouver une solution. Je sais pas. Aucun mot ici parle de intelligence ou de don. Nothing. Ça parle de votre caractère. Ce qui va au fond de toi. Amen. Modéré. Réfléchi. Ça ne parle pas de l'intelligence. Ça parle de quelqu'un qui réfléchit un peu avant de parler, avant d'agir. Amen. Amen. Alléluia. Si vous voulez être un leader, si vous ne voulez pas être un leader, faites ce que vous voulez. Si vous voulez être un dirigeant dans la maison de Dieu, réfléchissez avant de parler. Vous qui dites que vous êtes colérique là. Maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable. Ou réglé dans sa conduite. Régler dans sa conduite. Avoir des règles. Avoir des limites. Des principes. Merci. Que toi-même, tu ne vas pas dépasser. Pas vivre sans limites. Sans règles dans ta vie. Tu fais ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Ce n'est pas acceptable pour un leader. Amen. Parfois, tu vas agir d'une manière qui va te faire mal, toi, à toi-même. Mais puisque tu es leader, tu sais que tu ne peux pas agir autrement. Ça ne peut même pas venir à ton esprit. Parce que tu es leader. Amen. Il faut que tu aies des limites. Il ne faut pas dépasser cette limite. Mais tu es là, chrétien. Tu n'as pas de limite pour ta vie. Aucune limite. Aucune règle que tu suis. Aucune discipline. Nothing at all. Un leader, tu n'as pas de discipline. Tu ne peux pas te maîtriser. Tu ne peux pas te contrôler. Tu ne peux pas te limiter. Et alors là, je ne peux pas dépasser cette limite. Je ne peux pas faire ça. Au moins, voler là, je ne peux pas voler. Voler, non. Alors, je vais mourir de faim. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas voler. Même si je suis sur le... Je vais mendier, je ne vais pas voler. Il faut qu'il y ait des limites. Amen. Des limites que toi-même tu places dans ta vie. Si tu ne peux pas suivre la Bible, quand même, toi-même, pour ta vie, il faut que tu aies des limites. Non, moi, je ne vais pas sortir avec un homme marié. C'est une limite. Une limite. Si tu es obligé, tu dois sortir avec quelqu'un. Au moins, que ça ne soit pas un homme marié. Et toi, tu n'as pas de limites. Allez, parce que c'est lui qui dit qu'il m'aime. Moi, je n'ai pas dit que je n'ai pas demandé qu'il me suive. Hein. Et moi, je ne demande pas l'argent. C'est lui qui m'envoie. Et s'il m'envoie, S'ils vont voir, je fais comment? S'ils vont voir, je fais comment? Moi, je vais bouffer. Hein? Je fais comment? Je renvoie. Ah, rien n'est pas ça. Non. Moi, je ne renvoie pas. Si lui ne réfléchit pas avant de courir après les petites filles, là, moi, je vais bouffer. Oh! Waouh! Aucun dîner est gratuit. Il viendra chercher un paiement d'une manière ou d'une autre. Yeah. No lunch is free. Oui, l'iPad qui t'a envoyé là, il va venir chercher le paiement quelque part. Whoa! What a shock. I'm talking about leaders. I'm talking about leaders in the house of God. Qu'ils soient hospitaliers. Hospitaliers. Ça veut dire qu'ils soient quelqu'un qui peut recevoir, qui est ouvert, chaleureux, gentil. Tu ne fais pas fuir les gens. Juste par ton visage. Très souvent, je reçois des gens qui n'ont même pas pensé à aller voir leur berger avant de venir vers moi. Parce que très souvent, les problèmes ne sont pas si compliqués ou même pas secret ou c'est juste le visage du berger là. Amen. Hospitalier, tu peux recevoir. Être ouvert. Il faut que quelqu'un puisse venir dire, ah, si je vais là-bas, je pense que je serai bien reçu. Même si tu n'as pas, la manière dont tu vas recevoir la personne n'aura pas honte d'être venue te demander quoi que ce soit. Si la personne vient dire, oh, je suis vraiment, les choses sont vraiment bad. Est-ce que tu n'as pas deux Ghana? Deux Ghana! Et puis tu hausses le ton. Deux Ghana! Là où je suis là. Et puis tout le monde sait que, oh, le pauvre est venu demander deux Ghana. Oh, c'est deux Ghana que je t'ai demandé. Oh, hospitalier, tu peux recevoir. Même si quelqu'un vient chez toi et tu vas manger, tu ne caches pas ta nourriture sous la table. Puis tu pries que la personne va partir vite. Quelqu'un d'hospitalier peut dire, oh, je suis en train de manger, j'amène une cuillère, c'est pas beaucoup, mais on peut partager. Ça, c'est l'hospitalité. Hospitalière. C'est. Yeah. Tu n'as pas grand chose, mais tu es prêt à partager. Ça, c'est l'hospitalité. La Bible dit que certains ont reçu des anges sans le savoir. Tu es trop égoïste pour partager le peu que tu as. Ça ne va pas me suffire, donc moi, je vais garder ça d'abord. Et tu vas manger chez quelqu'un. Tu penses que la personne qui te reçoit, c'est parce que la personne a en abondance. C'est parce que la personne est hospitalière. Amen. Si tu veux être un dirigeant dans la maison, il faut apprendre ces choses. Apprends à être hospitalier. Apprends à être gentil. Apprends à recevoir. Tu dis, pasteur, moi je suis de nature, je suis timide. Tu n'aimes pas trop aller dire, pasteur, quand les gens viennent. Tu sais, après un temps, je ne sais pas quoi dire. Tu vas commencer. Tu vas parler du beau temps qu'il fait. Tu vas parler de la chaleur. Tu dis, oh, il fait chaud au Ghana. Oh. Hey, il y a du soleil, oh. Hmm. Ah, hey. Et puis les, on ne peut même pas mettre le ventilateur à cause de ces light off. Chez toi, il y a light off. Ah, ok. Est-ce qu'il y a de l'eau? Hey, chez moi, ça fait 2 semaines, j'ai pas d'eau. Eh, oh, chez, vous avez de l'eau? Eh, oh, vous aussi, vous n'avez pas de l'eau? Ah, le Ghana, c'est comme ça, oh. Hmm. Ok, la famille, ça va? Oui, ça va. Ok, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu la famille. Eh, ok. Ok, donc l'école, ça va? Oui, ça, vous allez trouver quelque chose. Tu vas apprendre. Tu vas apprendre à être gentil, à être hospitalier. Amen. Alléluia. Soyez ouverts. Certains ont reçu des anges sans le savoir. Amen. Yeah. Let me look for that verse. Entertained angels unawares. Amen. Who is there? Is the person looking for me? Let's see who will find it first. I can't even see. Is in which book? It's possible. Yeah. Hebrews 13, verse 2. Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Wow! Tu pensais que tu aidais une sœur pendant homecoming. Tu ne savais pas que c'était un ange que Dieu a envoyé. Aujourd'hui, tu es béni, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas, c'est parce que tu as reçu quelqu'un pendant Homecoming 2009. La personne a même cassé tes assiettes. C'était un ange. Et tu ne savais pas. N'oubliez pas l'hospitalité. Dieu ne cherche pas les dons que tu as. Tu peux jouer. Non, il veut que tu sois hospitalier. Yeah. Tu peux chanter, mais si tu n'es pas hospitalier, zéro. Tu peux être très organisé, tu peux organiser, mais si tu ne te maîtrises pas, tu te laisses emporter, zéro. Zéro. Tu es doué, tu peux chanter, jouer, danser, faire les sketchs, faire le rap, faire quoi encore, La comédie, prêcher, tu connais les versets. Mais si tu n'es pas hospitalier, zéro. J'avais une professeure de français, elle dit, zéro avec la barbe. Avec les yeux aussi. Amen. Are you there? Hospitalier, propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement ou capable d'enseigner. Capable d'enseigner. Et je crois que la plupart d'entre vous, vous êtes capable d'enseigner. Pendant vos parcelles, vous êtes en train d'enseigner. Mais il faut que ça, vous pouvez vous améliorer. Amen. Quand vous enseignez, c'est pas point numéro un. Point numéro un. Vous avez votre stylo? Je commence. Ok. Numéro un. Tenez vos promesses. Vous avez noté? Tenez vos promesses. Tenez quoi? Amen. Point numéro 2. Prêchez la parole de Dieu. Prêchez quoi? Vous avez noté? Ok, premier point c'était quoi? Tenez vos promesses. Et point numéro 2? Amen. On a fini pour aujourd'hui, demain on va continuer. Non. Faut enseigner pour que la personne puisse comprendre ce que c'est. Tenez la promesse. Donnez des exemples. Ouvre des fenêtres. Ici on dit ouvre des fenêtres. Des fenêtres apportent la lumière. Quand tu ouvres les fenêtres chez toi, il y a la lumière qui entre. Et quand tu prêches, il y a des fenêtres que tu dois ouvrir. C'est-à-dire des exemples que tu vas donner qui vont donner un peu d'éclaircissement à la parole que tu prêches. Amen. Soyez capable de donner des exemples qui ne sont pas forcément les exemples de la Bible, du livre. Amen. Trouvez des exemples qui sont réels. Alors pourquoi parfois je parle de ma famille? À un point où ma fille me dit, ah, mais mamie, tous les dimanches, tu parles de moi. Pourquoi tu parles de moi quand elle était plus jeune? Pourquoi tu me dis, maman, quand je te dis quelque chose, tu vas dire ça à l'église? C'est pour ouvrir la fenêtre pour que vous puissiez comprendre. Amen. Quand vous enseignez, décortiquez les choses pour que ça atteigne le niveau le plus bas. Une raison pour laquelle les livres de l'évêque marchent, c'est parce que c'est simple. Ce sont des choses simples. Tout le monde peut comprendre. Les intellectuels et les enfants. Si tu vas à White Church, J Church, ils utilisent les mêmes livres. Yeah? Amen. Or, amen. Si vous voulez être un dirigeant, apprenez à enseigner. Écoutez des prédications, des différents prédicateurs. Suivez. Regardez comment ils parlent, comment ils gesticulent. Toi, tu es là derrière le pupitre. Point numéro 1. Tenez vos promesses. Est-ce que vous avez noté? Tout le monde a noté. Qu'est-ce que j'ai dit? Tenez quoi? Merci beaucoup. Point numéro 2. Point numéro 2. Prêchez la parole de Dieu. Prêchez quoi? La parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une question? Pas de question, on continue. Parlez davantage des récompenses que des punitions. Parlez davantage, vous avez noté, des récompenses que des punitions. Vous avez noté? Est-ce qu'il y a une question? Ok, on continue. Qu'est-ce que j'ai dit? Parlez davantage des récompenses. Vous croyez que la personne va revenir la semaine prochaine? Apprenez à enseigner, à mettre des exemples, même si tu n'as rien à dire. Faites rire les gens. Donne-leur envie de revenir. Dis, ah, cette femme, elle est rigolo, je vais revenir. Petit à petit, ils vont saisir. Quelque chose va rester. Oh, baby's crying. Foggy. It's hot. Amen. Are you there? Yeah. Apprenez à enseigner si tu veux être un leader, un dirigeant. Amen. Il faut que les gens puissent t'appeler et dire, ah, j'ai lu un verset, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'ils savent que tu es capable d'expliquer. Amen. ta réponse ne doit pas être, oh, ok, dimanche, on va demander Lady Pasta. Toi aussi, sois capable d'enseigner. Sois capable d'expliquer. Tu peux dire à la personne, ok, laisse-moi un peu de temps, je vais réfléchir. Je vais voir. Amen. Vous n'êtes pas censé tout connaître. Moi, il y a des choses que moi, je ne sais pas, je ne comprends pas non plus. Sois franc. Amen. Apprenez à dire la vérité. Alléluia. Amen. Oh, I think I've run out of time. Il ne doit, verset 3, il ne doit pas être buveur, ni querelleur, mais au contraire, aimable et pacifique. Waouh. Il ne faut pas, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Hey! Il est pacifique. Que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise. That's what the sermon says. Il ne doit pas être buveur, ni querelleur, mais au contraire, aimable et pacifique. Que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise. Si tu es un leader dans l'église, tu aimes l'argent, tu ne seras pas heureux. En tout cas, ici, Lighthouse, tu ne seras pas heureux. Amen. Yeah. Un leader ne doit pas être quelqu'un qui boit. Un soulard. Un ivrogne. Amen. Quelqu'un qui boit. Oh, les dépenses, moi, je ne bois pas beaucoup. Pas beaucoup. Un verre en passant. Juste, tu sais, quand on part en fête, juste une. Juste un verre de vin rouge. Vous voyez, parce que c'est bon pour la santé. Bon, il y a juste un peu. Même Timothée, hein, c'est dans la Bible, un peu de vin pour ton estomac, n'est-ce pas? Donc moi, je connais mes limites. Un verre, maximum deux, trois. De temps en temps, peut-être quatre, mais je ne dépasse pas cinq, en tout cas. Ni buveur. Ne commencez pas. C'est mieux. C'est comme si tu partais voir une fille et puis vous vous embrassez. Les deux personnes s'embrassent seulement. On connaît nos limites. On s'embrasse seulement. De temps en temps, c'est même pas tous les jours. Quand on se voit là. En passant, par un petit bisou. C'est ça. Don't sleep. Don't close your eyes. Tu ne réfléchis pas. Tu dors. Amen. Moi aussi, je suis fatiguée. Amen. Il est dit pas ça mal à la tête. Elle est là. Amen. Are you there? Yeah. Aujourd'hui, il ne faut pas manger tard. Hein? Sinon, demain matin, quand tu te lèves, tu vas. Ok. Donc, si tu manges tard, mange petit, léger. Ok. Let's continue. We'll finish just now. Que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise. Pacifique. Pacifique veut dire cherche la paix. Tu n'aimes pas quereller. Si tu n'es pas quereller, tu es pacifique. Ok? En ce qui te concerne, tu veux être en paix avec tout le monde. Même si tu as raison et la personne a tort. Pour la paix, tu vas dire, ok. I'm sorry. Amen. I'm sorry. Et puis, soyez sincère. Ok, I'm sorry. Et dis, I'm sorry. Tu veux dire quoi encore? Tu veux que je fasse quoi encore? Si tu ne vas pas accepter mon sort, il la laisse. Laisse. Si tu ne vas pas accepter mon sort, il la laisse. Ce n'est pas une demande de sorry. De sorriness. Amen. Qu'il dirige bien sa famille. Qu'il dirige bien. Vous êtes encore jeune. Vous êtes encore jeune. Mais la manière dont tu te comportes aujourd'hui va montrer comment tu vas diriger ta famille. Tu n'as pas de contrôle sur toi-même. Comment est-ce que tu vas contrôler tes enfants? Tu vas seulement crier sur les enfants. Les enfants auront peur de toi. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent en cachette. Yeah. Vous allez diriger, vous allez gérer votre famille par exemple. Faut pas être comme ceux qui disent, hey, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Soyez des leaders par exemple. Amen. Comme ça, quand vous êtes debout, vous pouvez dire, ne faites pas, parce que moi, je ne fais pas. Alléluia. Amen. Qu'il dirige bien sa famille. Et maintienne ses enfants dans l'obéissance, en toute dignité. Amen. Alléluia. Maintienne ses enfants. I'm trying to read the two versions at the same time. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Honnêteté. Amen. Alléluia. Are you there? Yeah. Quand vous aurez vos enfants, sachez que la discipline fait partie de votre devoir. Amen. Vos enfants ne sont pas vos amis. Ce sont vos enfants. Il faut qu'ils sachent. Amen. Beaucoup d'entre vous ne voulez pas être... vos parents n'ont pas voulu vous discipliner parce qu'ils veulent rester amis avec vous. Ils veulent que vous soyez capable de venir leur parler de tout et de rien. Le rôle d'un parent, c'est d'apporter la discipline. Pas l'amitié. Yeah. Yes. Qu'ils tiennent ses enfants dans la soumission. Dans l'obéissance. Vous savez que vous n'obéissez pas à vos parents. Et en toute dignité. Car, verset 5, comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'église de Dieu? Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est la question que vous devez vous poser. Amen. Alléluia. Amen. Capable de diriger son foyer, sa maison. Il est toujours fauché, toujours dans les dettes, toujours en train d'emprunter. Chaque mois, quand l'argent vient, c'est fini avant que ça touche ta main. Pourquoi? Parce que tu dois rembourser tout le monde. Comment est-ce que tu vas diriger la maison de Dieu? Tu vas mettre la main dans le panier? Yeah. C'est pourquoi quand on choisit les trésoriers, on fait très attention. Amen. Hey. Que ce ne soit pas un converti de fraîche date. De fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous la même condamnation que le diable. Amen. Un nouveau converti, converti d'une fraîche date. C'est pourquoi quand on choisit les bergers, au moins, tu as fait au moins 2 ans, juste en suivant les 4 livres, ou 5 livres, 4 livres. au moins un an, donc vers les deux ans, et que vous soyez connu. Amen. Même là, c'est pas toujours facile. Amen. Alléluia. Donc, restez stable, petit à petit. Allez-y doucement. Vous serez reconnu. Amen. Vous serez reconnu. Alléluia. Enfin, verset 7, je vais vite faire. Il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Amen. Certains d'entre vous, c'est seulement ici dans l'église où vous êtes pieux et saint. Une fois tu quittes les portails, another person. Tu as querellé avec tout le monde dans ta maison, dans ton hostel. Tout le monde. Tu ne peux pas évangéliser, ça c'est hors question. Même ton landlord te cherche. Hein? Même ton landlord te cherche. Il veut te remettre ton argent parce que tu es tellement impoli. Il ne veut pas que tu restes dans sa maison. Viens chercher ton argent. C'est comment? J'ai eu des cas comme ça dans cette église. Le landlord te cherche pour te donner ton argent, pour que tu partes de chez lui. Ah! What a bad testimony. Tu ne peux pas être dirigeant dans la maison de Dieu. Amen. Are you listening to me? Yeah. La Bible dit, même en dehors de l'église, un bon témoignage. Dieu dit, parce que ce sont des païens, ils ne comprennent rien. Oh, ah, I see. Donc, qui va les gagner si ce n'est pas toi? Si ce sont des païens, comment est-ce qu'ils vont se convertir si ce n'est pas toi qui vas parler? Oui, parce que moi j'ai essayé, moi je ne sais pas ce qu'ils veulent de moi. J'ai essayé. S'ils disent que je n'ai pas essayé, ils mentent. Je ne dis pas ça, ce n'est pas vrai. Même avec ce comportement, qui va accepter Jésus? Alléluia. Soyons des bons témoins. Alléluia. Afin que les âmes soient sauvées. Nous sommes des dirigeants. Alléluia. Nous sommes des leaders. Un leader mène par exemple. Vous avez deux membres de votre cellule. Vous avez querellé avec les deux membres. Vous avez emprunté de l'argent de vos membres et vous n'avez pas remboursé. Un bon témoignage. Ne faites pas. Si vous voulez emprunter, ne partez pas chez vous, les membres de votre cellule. N'allez pas vers ceux qui vous suivent. Ok? Il faut aller voir Lady Pasta, il va vous aider. Amen. Un bon témoignage. Alléluia. Pour qu'on puisse gagner les âmes. Nous sommes des leaders. Et nous allons prier que le Seigneur nous aide à être des bons leaders. Ceux qui dirigent par exemple. Irréprochable. Ah, les leaders de Lighthouse là, en tout cas, félicitations. Amen. Leader de Lighthouse. Forgive. Amen. How many good leaders are we going to have in this church? Amen. Ça doit faire partie de votre désir. À part le fait de vouloir être un leader. Décider d'être un bon leader. Un leader qui suit les règles. Qui a un certain standard. Le standard de Dieu. Amen. Quand vous allez rentrer, regardez ces mots, adjectives, hein. Un par un. Demandez, est-ce que je remplis les critères? Alors, que je suis là maintenant, là, est-ce que je peux dire que je suis un leader? Est-ce que do I fulfill these criteria? Amen. Et nous allons voir que nous sommes très loin du niveau que Dieu a. Mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver one by one, by one, by one. In the name of Jesus. Hallelujah. And God will help us. Amen. Stand to your feet. Amen. We are closing. We are closing. We are closing. Amen. I want to just thank God for tonight. Speak to the Lord. Parle au Seigneur. Dis à l'Éternel que tu veux être un bon berger. Tu veux suivre son exemple. Tu veux être un exemple que les autres peuvent suivre aussi. Seigneur, fais de moi un bon berger. Fais de moi un bon berger, Seigneur. Fais de moi quelqu'un qui peut diriger. Qui peut diriger. Qui peut servir d'exemple, Seigneur. Irréprochable. Je ne veux pas que quelqu'un me voie qu'il ait quelque chose de négatif à dire par rapport à l'église, par rapport à la vie chrétienne. Seigneur, je veux être un bon exemple en tout. Tout ce que j'ai dit, tout ce que je fais. Seigneur, fais de moi un bon dirigeant. Je veux être un leader dans ta maison. Je veux servir, je veux être utile. Merci Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Je veux servir dans ta maison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Commencez à remercier Dieu. Merci, remercie Dieu. Dis merci à Dieu de d'avoir fait de toi un bon berger. Toi que tout le monde avait négligé. Toi en qui personne ne croyait pour devenir quoi que ce soit. Tu seras un bon leader dans la maison de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être des dirigeants dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour le standard que toi, tu as établi. Oh, Seigneur, fais-nous grâce de pouvoir atteindre le niveau que tu as pour tes leaders. Nous voulons servir dans ta maison. Nous voulons être utiles dans ta maison. Que nos vies soient un exemple, Seigneur, que les autres peuvent voir pour accepter Jésus. Pour dire que si Dieu peut bénir celle-ci, il va me bénir aussi. Seigneur, merci pour le privilège de te connaître et de te servir et d'être un leader dans ta maison. Nous te louons et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Jeremy, take the second. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, LCI, La Belle Église, pour plus de messages. Soyez bénis.